إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد فضل الله المسلم على غيره وحذره أن يخنع لغير المسلمين أو أن يحبهم أو أن يرتضي فعالهم أو يقلدهم ويتشبه بهم لما يورث ذلك من الذل الملتبس بهم بل حذر من مجرد الركون لهم من أنه يدخل النار كما قال سبحانه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولقد تكاثرت النصوص الشرعية التي تحذر المسلم أن يتشبه بالكافرين أو أن يحاكي فعالهم عباد الله لقد ابتلي بلاد الإسلام يعني إما لم تكن كلها فغالبها بنقل تقاليد الغربيين برمته ولهذا نلحظ أن الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أصبحوا يقلدون المشركين في كثير من عاداتهم أما حالنا نحن في وسط بلاد الكفر فالأمر لنا أشد وإن المتأمل للنصوص الشرعية يلحظ أن من مقاصد الشريعة الإسلامية مخالفة المشركين ويقصد بقول الفقهاء أنها من مقاصد الشرع يعني من أهداف الشرع وأن الشرع قصد هذا الأمر وتتبعه لنفيه من جميع طرقه ومن جميع أبوابه وأسبابه عباد الله والنصوص في القرآن والسنة جاءت آمرة بالمخالفة وليتبين لنا عظم الأمر وأهميته فالتشبه بالكفار طريق للخروج من الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يعني من تشبه بالمشركين والكفار فهو منهم ولهذا جاء الأمر صريحا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بل جاء الأمر بصيغة التهديد بالعذاب على مجرد الركون للكافرين قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا يعني ضعفنا عليك ضاعفنا عليك العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطاب للأمة من باب أولى، والآيات كثيرة في هذا الباب. أما الأحاديث فقد تواترت الأحاديث في التحذير من مخالفة المشركين، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. ومن أمثلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. ولنتأمل كيف كان واضحا عند الصحابة رضوان الله عليهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة المشركين. ومن الأمثلة في ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ومن الأمثلة على ذلك تعجيل الإفطار في رمضان، لما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء كما ورد ذلك في الصحيح، وغيرها كثير مما يدل على أن مخالفة المشركين أصل من أصول دين الإسلام. عباد الله، يظل هذا الدين هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده، يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين على الأرض غير دين الإسلام، ولا ملة وشرعة تصلح لهداية الناس كملة الإسلام وشرعته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمتأمل في مشاهد الحج وشعائره يجد مخالفة المشركين والمحافاة عن طريقهم مقصدا من مقاصد الحج،

l'unicité d'Allah. Et il mentionne que quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. S'il arrive devant Allah avec une autre religion, autre que l'islam, il sera du nombre des perdants. Ça veut dire s'il vient avec le judaïsme, ou avec le christianisme, ou avec l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou n'importe quelle autre religion par lesquelles les êtres humains cherchent à adorer Allah, ou essayent de se rapprocher d'Allah, ou de d'autres que Allah, parmi les statues et les idoles et les créatures que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, toute autre religion que l'islam ne sera pas acceptée au jour de la résurrection. Parce que l'islam, c'est la religion de l'unicité. C'est-à-dire que c'est la religion qui ordonne d'adorer uniquement le Créateur, sans associé, sans partenaire, sans intermédiaire, directement. Tandis que toutes les autres religions qui existent sur terre, d'une manière ou d'une autre, elles ordonnent les créatures d'adorer Allah en passant par une créature pour arriver à Allah, ou en adorant une créature directement, et de laisser de côté l'adoration qui est vouée et qui doit être vouée exclusivement au Créateur. Et c'est ce qu'on appelle le shirk, le plus grand péché par lequel quelqu'un peut désobéir à Allah, le fait de faire de l'idolâtrie ou d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire en sorte que les croyants, que les musulmans soient protégés du shirk par tous les moyens et de toutes les façons. Et une des manières par lesquelles il a voulu protéger les musulmans de tomber dans le shirk ou de commettre le shirk, c'est de faire comprendre aux musulmans et de leur faire savoir qu'il est interdit pour les musulmans de les imiter. De les imiter, bien entendu, premièrement dans leur croyance, c'est-à-dire d'éviter de croire en ce en quoi ils croient, c'est-à-dire de rejeter leurs idoles, de rejeter leurs idolâtries, de rejeter toute manifestation ou toute forme de shirk qu'ils peuvent pratiquer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par plusieurs moyens, a mentionné aux musulmans qu'il ne fallait pas les imiter, en particulier dans leurs croyances. Et non seulement dans leurs croyances, mais dans tout ce qui a rapport avec leurs traditions, leurs coutumes, leur façon de vivre, leur façon d'agir, leur mode, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de manger, leur façon de bouger. Dans tout ce qui est particulier à eux, les musulmans doivent se distinguer d'eux et les contredire. Pourquoi ? Pour éviter que, au fur et à mesure qu'on les imite dans des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à leurs croyances, le fait de leur ressembler de plus en plus et de les imiter de plus en plus, on finit à la fin par devenir comme eux, sans même s'en apercevoir. Et c'est ce qui arrive souvent au peuple lorsqu'ils sont conquis par une autre puissance ou par un autre peuple. Et c'est arrivé il y a des siècles de cela dans le passé, à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsque les Mongols, les Tatars, ont réussi à envahir l'empire islamique de l'époque et à prendre le contrôle avec leurs armées de beaucoup d'entre les pays musulmans. Et à partir de ce moment-là, ils ont réussi à massacrer, à tuer beaucoup d'entre les musulmans, et les musulmans se sont sentis rabaissés et humiliés. Et ils ont commencé petit à petit à vouloir les imiter et à vouloir ressembler à ces Mongols ou à ces Tatars. Et c'est pour cette raison que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, à cette époque-là, avait écrit un livre justement pour expliquer que le fait de se distinguer et de contredire les mouchriquins et les koufars, que ce soit les mouchriquins et les koufars qui sont parmi les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui sont parmi les koufars et les mouchriquins qui ont reçu un livre comme les juifs et les chrétiens, ou les mouchriquins et les koufars qui n'ont pas reçu de livre. Peu importe que lorsque on regarde dans les textes du Coran et de la Sunna, et quand on regarde l'exemple de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in et les imams de Ahl Sunna, eh bien on arrive à la conclusion que l'appel à se distinguer des mouchriquins et des koufars et l'appel à les contredire fait partie des fondements de cette religion et fait partie même des objectifs établis par cette religion de l'islam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il dit aux musulmans, faites le contraire des koufars, faites le contraire des mouchriquins. Quiconque imite un peuple et un des leurs, contredisez les juifs, contredisez les chrétiens. Laissez pousser vos barbes et coupez vos moustaches pour ne pas leur ressembler, pour ne pas les imiter. Et il disait également par rapport, par exemple, à la prière. Il disait, lorsque vous faites la prière, si vous pouvez prier avec vos sandales, priez avec vos sandales, distinguez-vous des juifs, parce que eux, ils ne prient pas avec leurs sandales. Alors, beaucoup d'entre les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils priaient dans la mosquée, ils priaient avec leurs sandales. Aujourd'hui, on enlève les sandales. Pourquoi? Parce qu'on prie sur le tapis. Et pour éviter de souiller le tapis, on n'a pas le choix. Mais si on a l'occasion, par exemple, qu'on prie à l'extérieur ou on prie dans un endroit où il n'y a pas de tapis, si on peut prier avec nos sandales ou avec nos souliers et qu'il n'y a pas d'impureté dessus, dans ce cas-là, c'est sunna de le faire et de se distinguer des juifs sur ça. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose que les gens du livre faisaient, excepté qu'il ordonnait aux sahaba de les contredire et de se distinguer d'eux. À un tel point que les juifs eux-mêmes disaient, cet homme, il n'y a pas une chose que nous on fait excepté qu'il insiste de nous contredire sur cette chose. Et un des exemples de ça, c'est que les juifs, lorsque leur épouse avait les règles ou les menstrues, ils ne s'approchaient pas d'elle, ils ne mangeaient pas avec elle, ils ne s'assoyaient même pas avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné à ce sujet-là, Allah a révélé le verset, il te demande au sujet des menstrues. Dis-leur, c'est une nuisance. Alors, écartez-vous des femmes pendant leurs menstrues. Il a expliqué, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites avec elles tout, sauf d'avoir des rapports intimes avec elles. Mais sinon, en général, vous pouvez faire avec elles la vie commune sans problème. Vous asseoir avec elles, parler avec elles, manger avec elles. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait même ses femmes lui peigner ses cheveux lorsqu'elles avaient leurs menstrues. Et l'une d'entre elles a dit, oh messager d'Allah, j'ai mes menstrues. Il a dit, tes menstrues sont pas dans tes mains. Pour lui dire que c'est permis pour une femme, lorsqu'elle a ses menstrues, d'avoir des rapports normaux avec son mari et de vivre une vie conjugale quotidienne avec elle sans problème. Contrairement à ce que les juifs faisaient. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Et si vous regardez, par exemple, le livre dont je vous ai parlé, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, eh bien, vous allez voir comment il a montré et établi ce principe-là de façon très claire, pour qu'il n'y ait plus aucun doute dans l'esprit du musulman à ce sujet-là, qu'il n'est pas permis pour les musulmans d'imiter les koufars. Les sahaba, à un tel point qu'il ne voulait pas imiter les koufars. Vous savez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et que les musulmans ont commencé à faire l'expansion de cette religion à travers le monde, ils se sont mis à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va choisir pour déterminer le premier jour ou le jour zéro par rapport au calendrier de l'islam? Parce qu'ils ont dit, on peut pas avoir le même calendrier que les juifs. On peut pas avoir le même calendrier que les chrétiens. On peut pas avoir le même calendrier que les bouddhistes ou que les hindous. Il faut avoir notre propre calendrier. Calendrier pour les musulmans. Et ils ont choisi que ce soit déterminé par la première année où l'an zéro, c'était l'an de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont établi ce calendrier-là et c'est sur ça qu'ils se sont basés pendant des siècles. C'est juste dernièrement que les musulmans ont adopté dans beaucoup de pays le calendrier grégorien, qui a été, fait ou fabriqué par le pape Grégoire XIII dans les années 1500 et quelques. Mais sinon, avant ça, déjà même les chrétiens entre eux, ils n'avaient pas tous le même calendrier. Mais après le pape Grégoire XIII, ils se sont mis d'accord sur ce calendrier-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le calendrier grégorien. Nous, les musulmans, on a toujours utilisé le calendrier Hijri, basé sur la Hijra. Jusqu'à dernièrement, ça veut dire que les musulmans de plus en plus commencent à imiter et à suivre l'exemple des juifs et des chrétiens. Et plus on les suit dans ces exemples-là, plus on s'éloigne de la guidance de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus on s'éloigne du paradis, et plus on se rapproche du chemin de l'enfer. Donc, que ce soit dans les célébrations, le fait de célébrer Noël ou la naissance de Jésus, alayhi salatu wassalam, ça c'est interdit pour les musulmans. Même que c'est interdit pour les musulmans de célébrer la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de celle d'un autre prophète? C'est interdit également pour les musulmans de célébrer le nouvel an. Que ce soit le nouvel an juif, que ce soit le nouvel an chrétien, que ce soit le nouvel an chinois, que ce soit le nouvel an de n'importe quel autre peuple, même le nouvel an du calendrier de l'islam, c'est interdit pour les musulmans de célébrer cela. Les sahaba, lorsqu'ils ont choisi le calendrier Hijri, ils ne se sont jamais réunis ensemble pour dire, bon, chaque année, c'est la nouvelle année, on va fêter ça. Ça n'existe pas dans l'islam, ces choses-là. Même fêter notre anniversaire, l'anniversaire de chacun d'entre nous, la date sur à laquelle on est né chaque année, ça ne fait pas partie des traditions de l'islam, ni des pratiques des prophètes, et ni de la voie des musulmans. Toutes ces pratiques-là viennent des juifs, des chrétiens et des peuples parmi les mouchriquines. Et par conséquent, il est interdit pour nous, les musulmans, de les imiter, ou d'essayer de leur ressembler dans ces choses-là. Et ça, c'est extrêmement important. Si on veut garder notre identité et si on veut cesser de devenir comme les autres et de se dissoudre dans leur culture au point où on perd notre propre identité et on devient comme eux. Et ça, c'est un très grand danger pour tout peuple qui se respecte. Alors que dire de ceux qui sont sur la religion d'Allah et qui croient en l'islam? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم